Luc était encore jeune quand il perdit ses parents, qui demeuraient à Antioche. De bonne heure, il se fit remarquer par sa vivacité, ses bonnes grâces et sa gaieté. Dès l'âge de 12 ans, je le vis chercher des simples dans les champs et observer toutes les choses avec attention. Il apprit la peinture en Grèce et dessina sur des murailles des figures. Plus tard en Égypte, il apprit la médecine et l'astronomie, allait avec d'autres dans un observatoire qu'il avait disposé en se servant d'un tuyau aussi gros qu'un tuyau de cheminée. Il y avait dans la ville où Luc étudiait la médecine, un hôpital rempli d'oiseaux et d'autres animaux malades qu'on entourait avec grand soin, en expérimentant des onguents de différentes herbes. Luc employait des simples pour ses médicaments et observait les astres pour apprendre les maladies. Il guérit un certain nombre de malades en soufflant sur la bouche et l'estomac des personnes tombées faibles et les frictionnait. Il n'était pas encore disciple du Sauveur. Luc n'a pas accompagné Jésus dans ses prédications. Il reçut le baptême de Jean un peu après Jésus et entendit le précurseur, allant de côté et d'autre, pour exercer sa profession de médecin. À cette époque, il écrit beaucoup sur les simples et avait toujours des rouleaux où consignait ses observations. Après la résurrection de Lazare, il se renseigna auprès de Nicodème et Joseph d'Arimathée à Jérusalem. Il connaissait Joseph Barsabé et bien Cléophas qui lui déclara être disciple du Sauveur, quelques semaines avant sa passion. Luc avait des doutes, sa foi s'affermit seulement à la rencontre d'un mot alors qu'il cueillait des plantes avec son ami, tandis que je voyais derrière eux le Sauveur, le remède contre toutes les maladies, le pain de vie. À leur retour, ils rencontrèrent Marie Salomé, ils racontèrent ce qui leur était arrivé de part et d'autre. Il fut chez Jean à Éphèse et chez la Vierge aussi, il accompagna ensuite André revenu d'Égypte pour visiter Jean, et retourna dans sa patrie. Il fit la connaissance de Paul à Antioche, il composa l'évangile 25 ans après la Passion, en grande partie d'après des témoins oculaires. Au temps de la résurrection de Lazare, il visita lui-même les localités où Jésus avait opéré ses miracles et prit les informations avec soin. Marc a composé son évangile uniquement d'après les déclarations des témoins oculaires. Aucun des évangélistes n'a utilisé, ni même connu, dans son travail celui des autres. Luc était prêtre de Thèbes. Il fut martyrisé attaché à un arbre et on lui donna la mort d'un coup de lance à la poitrine. Il fut enterré dans la nuit secrètement. En fin de carrière médicale, Luc employait de préférence un remède de résidu mélangé d'huile de palmier, qu'il bénit. Il s'en servait pour faire des onctions sur le front et la bouche en forme de croix, il utilisait aussi du résidu séché en infusion. Luc l'évangéliste préparait son baume dans un vaste champ rempli de plantes très hautes de résidu et de palmier. J'appris que le palmier est symbole de chasteté, parce que les fleurs mâles sont séparées des femelles, que seule la Providence se réserve le soin de leur union, et plutôt qu'étaler ses fleurs avec complaisance, cet arbre les tient modestement cachés, pour cela qu'il est si fécond. Luc s'est attaché un grand nombre de personnes grâce à ses guérisons. Marie a cultivé cette plante et en a fait grand usage. En mourant sur un palmier, Luc lui a attaché une vertu particulière en faveur de ceux qui en feraient usage, avec soin d'implorer son intercession. En utilisant l'huile de palmier, souvent il avait conjuré le ciel de donner à ce liquide une efficacité particulière, considérant la mort qu'il savait être destinée. Marc fut l'un des premiers disciples de Jésus. Né plus au sud de la patrie de Pierre, il avait loué une pêcherie à Bethsaïda où il travaillait à ses occupations. Il se tenait fort droit, il y avait en lui beaucoup de vivacité et d'initiative. Marc ne fut pas toujours avec Jésus et s'éloigna de lui certaines fois. Il fut de ceux qui se scandalisèrent de cette parole du Maître. « Celui qui ne mange pas ma chair n'aura pas la vie éternelle. » Quelque temps avant la crucifixion, il se scandalisa à l'occasion de Madeleine. Au moment de l'arrestation de Jésus, il se sépara des disciples et revint dans sa patrie, Il se réunit à ses frères lors de l'apparition de notre Seigneur sur la montagne de Thébée, près du lac de Génézareth, où Pierre fit une grande prédication. Sa femme demeura longtemps à Thébée et vint à Bethsaïda quelques jours avant l'ascension. Il accompagnait souvent Pierre. Marc alla avec lui à Rome et consigna dans son évangile ce que l'apôtre lui rapporta. Il avait été témoin oculaire d'un grand nombre des faits, mais non des scènes de la Passion. À Rome, durant une peste dans laquelle on mourait par éternuement, l'Église établit par l'instigation de Marc un chemin de croix sur le modèle de celui d'Éphèse, de la Vierge, composé de 12 pierres, qui rappelaient chaque scène de la Passion. Les chrétiens allaient d'une pierre à l'autre en chantant des prières, et tous ceux qui prirent part à ces exercices de piété furent à l'abri de la contagion. Ce prodige fut suivi d'un nombre de conversions. Ensuite Marc prêcha la foi dans toutes les parties d'Égypte que Jésus avait visitées. En route vers Alexandrie, avec réticence, il se fit à l'index de la main droite une dangereuse blessure, dont il fut guéri par une apparition, qui eut sur lui la même impression que Saul sur le chemin de Damas. Il lui restait une cicatrice, rougeâtre autour du doigt. Sa chaussure se déchira quand il arriva à Alexandrie, et il la fit raccommoder par un cordonnier, un Annius, qui se blessa. Marc le guérit en mettant sur la plaie un peu de terre détrempée dans sa salive. Ce miracle convertit Annius, qui reçut Marc chez lui. Ce fut dans une dépendance de l'appartement attribué à Marc qu'eurent lieu les premières réunions des convertis. Les apôtres célébraient les saints mystères aux nouveaux chrétiens, qu'après que les aspirants étaient instruits et affermis dans la foi, il y avait des règles fixes pour donner la Sainte Communion pendant les prières. Marc alla aussi à Héliopolis. Le sanctuaire de cette ville, où séjourna la Sainte Famille, fut transformé en église chrétienne à laquelle s'ajouta un monastère. La plupart de ceux que Marc baptisa à Héliopolis étaient des Juifs. Il y avait un grand nombre de Juifs pieux qui vivaient déjà comme des ermites nommés thérapeutes, qui s'étaient établis aux confins de la Judée Sud, quand le Sauveur passa au retour de son grand voyage et où un grand nombre d'entre eux vivaient en commun. À ces thérapeutes se rattachèrent ensuite d'innombrables solitaires d'Égypte. 3 des 10 enfants d'Annianus le cordonnier furent élevés à la prêtrise. Lui-même succéda Saint Marc sur le siège d'Alexandrie. Marc fut jeté dans une prison de la ville et étranglé avec une corde. À son arrestation, le Sauveur lui était apparu tenant en main une écuelle et lui donna un petit pain de forme ronde. Dans la suite, ses restes furent portés à Venise. Clément était né à Rome, ses parents étaient des Juifs à la frontière d'Égypte. Au moment de son mariage, une voix du ciel lui dit de vivre dans la continence. Ce qu'il fit avec l'agrément de sa femme, qui fut martyrisée. Alors que Clément pria Dieu de lui donner un peu d'eau dans un désert, il descendit du ciel aussitôt un rayon lumineux qui se déploya autour de lui et un jeune agneau sortit en s'avança avec un petit bâton terminé en pointe comme une flèche. Plus bas sur le sol un autre agneau était étendu. Clément prit le bâton et frappa la terre où l'eau jaillit à l'instant. Les deux agneaux disparurent rent. Ce fut le Saint-Sacrement de l'autel. Tous ceux qui buvaient de cette eau étaient attirés à la Sainte Communion. Clément baptisa et convertit beaucoup de gens dans le voisinage. Au moment de son martyre, on le jeta dans une fosse remplie de serpents, mais il en sortit par l'échelle. Bientôt il fut mis sur une barque, avec une ancre au cou et jeté à l'eau. Le rocher se creusa là où son corps tomba et forma une tombe, que l'on vit lorsque les eaux se retirèrent. Les chrétiens transformèrent le rocher voisin en chapelle, qui était souvent couverte par les eaux. Un autre saint, Martin, a son tombeau dans l'autre partie de l'île. Clément fut avec Barnabé, Timothée, Luc et Pierre. Jean le Baptiste, fils unique du sacrificateur Zacharie, de Juta, Hébron et d'Élisabeth qui l'a porté encore enfant dans le désert situé entre Hébron et la mer morte pour échapper au massacre des innocents ordonné par Hérode. Jean habitait plus avant dans le désert. Il se mortifiait de nombreuses manières. Il dormait en plein air sur le rocher, il courait avec force sur des pierres, ou au travers des chardons et des ronces, se flagellait avec des épines. Il travailla jusqu'à épuisement à façonner des arbres et des pierres, et restait de longues heures en prière et en contemplation. Il y avait souvent des figures lumineuses près de lui. À 17 ans environ, il visita secrètement la maison de ses parents. Zacharie était mort mais Élisabeth vivait encore. Après cette visite, il s'enfonça beaucoup plus avant dans le désert, en direction nord-est, se rapprochant de la contrée de la merveilleuse montagne des prophètes, et les eaux qui en découlent sur terre. Il alla dans une contrée où l'apôtre Jean écrivit sous de grands arbres. Il y avait des arbres très élevés et au-dessous des arbrisseaux, dont il mangeait les baies. Il mangeait aussi une herbe à cinq feuilles rondes, comme celle du trèfle et une fleur blanche, nommée pied de lièvre ou oxalie. Il retirait du creux des arbres et sous la mousse qui couvrait la terre du miel sauvage. Devenu plus grand, il portait une peau de mouton autour des reins. Ce fut son seul vêtement jusqu'à ce qu'il tresse une couverture à longs poils bruns qu'il attachait aux épaules. Dans cette solitude il y eut des animaux avec une toison laineuse qu'il approchait familièrement, ainsi que des chameaux de qui il prenait les longs poils autour du cou pour en faire des tresses et confectionner une couverture qu'il avait sur lui quand il parut au milieu des hommes pour baptiser. Jean n'a vu le Sauveur que trois fois. La première fois dans le désert, quand la Sainte Famille passa dans sa fuite en l'Égypte. Conduit par l'Esprit, Jean avait accouru saluer son maître, qu'il avait déjà salué dans le sein de sa mère. Il souffrait de la soif et sentit que son Sauveur était prêt. L'enfant Jésus avait prié et frappé la terre de son petit bâton, d'où jaillit une abondante source. Jean courut en direction de l'eau et regarda Jésus passer avec Marie et Joseph, puis il sauta de joie et fit un signe de son petit drapeau. Il vit Jésus une seconde fois à son baptême, et la troisième quand il passa le long du Jourdain, il lui rendit témoignage. Le Sauveur parla à ses apôtres du grand empire que Jean avait sur lui-même. Il dit qu'il s'était borné à le regarder durant la cérémonie bien que son cœur fût près de se briser et il avait préféré se retirer humblement que de chercher à se rapprocher de lui. Fin des visions d'Émoric. Jésus visite une païenne. Jésus se rendit, sur l'invitation d'Abigaïl dans la partie orientale de la ville Bétharam, non loin du temple des païens. Il y avait là beaucoup de bains et une espèce de fête populaire, car les païens fêtaient aussi la nouvelle lune de ce jour avec une pompe particulière. Il eut à suivre le chemin qui séparait la ville juive de la ville païenne. Dans le jardin de plaisance où le festin avait lieu, Jésus enseigna longtemps les païens, tantôt allant et venant, tantôt pendant le repas. Il raconta des paraboles où il était question de bêtes de toutes les espèces. Il les comparait à cause des occupations auxquelles elles se livraient, du peu de fruits qu'elles en retiraient. Il parla du travail incessant souvent si peu profitable de l'araignée, de l'activité désordonnée des fourmis et des guêpes, et l'opposa au travail si bien ordonné des abeilles. Le repas auquel Abigaïl prit part fut en grande partie distribué aux pauvres sur l'ordre de Jésus. Je vis aussi ce même jour une grande fête dans le temple des païens, en grande magnificence. Il y avait de cinq côtés de grandes colonnades ouvertes, au centre une haute coupole. On voyait plusieurs idoles dans différentes salles de ce temple. Dagon le principal avait le haut du corps comme un homme et se terminait en poisson. Il y avait aussi là d'autres, avec des figures d'animaux. Je vis des jeunes filles suspendre des guirlandes aux idoles, chanter et danser autour, aussi les prêtres des idoles brûler de l'encens sur une petite table. Sur la coupole de ce temple se trouvait un appareil artistement arrangé qu'on mettait en mouvement pendant la nuit, c'était un globe lumineux entouré d'étoiles, qui tournait au-dessus du toit qu'on pouvait voir de l'extérieur et de l'intérieur du temple. Le cours des astres y était représenté en partie ainsi que la nouvelle lune. Non loin du lieu où le repas fut donné à Jésus se trouvait un grand jardin d'agrément où les jeunes filles jouaient, elles avaient des arcs, des flèches et de petits épieux entourés de fleurs, et lançaient leurs traits sur des oiseaux qu'on y avait attachés ou sur d'autres animaux, parmi lesquels étaient des chevreaux et des bêtes ressemblant à de petits ânes, qu'on avait enfermés dans des enceintes au pied de l'échafaudage. Tout cela servait de décoration à une idole hideuse, qui ouvrait une large gueule, comme celle d'une bête féroce, qui ressemblait à un homme, les bras pendants. Elle était creuse et il y avait du feu au-dessous. Les animaux tués étaient mis dans sa gueule, y rôtissaient et tombaient dans le feu. Ceux qui n'étaient pas atteints étaient mis à part. Les prêtres mettaient sur eux les péchés du peuple et les rendaient libres. La fête dura jusqu'au soir et les animaux furent immolés quand la lune se leva. Le soir tout le temple fut illuminé ainsi que le château d'Abigaïl. Jésus enseigna encore après le repas. Plusieurs païens se convertirent et allèrent se faire baptiser à Hénon. Le soir je vis Jésus monter de nouveau la montagne à la lueur des flambeaux et s'entretenir avec Abigaïl, sous un vestibule à colonnes, dans un jardin attenant à son château. Il y avait près d'elle quelques agents de Philippe, qui la surveillaient constamment. Cela la gênait beaucoup dans toutes ses actions et elle le donna à entendre au Seigneur par un regard, qu'elle jeta sur ses hommes. Jésus connaissait tout son intérieur et les liens qui la tenaient captive. Il était touché de compassion pour elle. Elle demanda si elle pouvait être réconciliée avec Dieu. Il y avait un point qui était, pour elle, l'objet d'un remords incessant en violation de la foi conjugale envers son époux et mort de celui-ci. Jésus la consola et dit que ses péchés lui étaient remis, qu'elle devait persévérer dans les bonnes œuvres, attendre patiemment et prier. Elle était de la race des Jébuséens, ces païens qui faisaient périr leurs enfants quand ils naissaient contrefaits et qui avaient beaucoup de croyances superstitieuses touchant les signes de naissance.